representing the world. Insomniac. I must sleep. Bonsoir, bonsoir, c'est DJ Dust pour l'émission Digital Fury. Ce soir, ce sera rétro sur RPL Radio en écoute sur le DAB+. Donc merci à Grevno pour son émission Techno Sound Story. Juste avant, maintenant, place à la rétro sur RPL Radio. Sleep. Somebody give the Lord a hand clap. and rock and roll, sex and drugs and all. Come on. Come on. le meilleur de l'électro sur RPL Radio.

RPL Radio 100% électro.

n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.